période prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Dieu Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès métro ligne 13, descente à l'arrêt Gabriel Péri ou par RERC, arrêt les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que son nom soit glorifié dans votre vie, dans ma vie, dans la vie de ceux qui nous regardent. Alors, au cours de cette émission, comme d'habitude, nous allons dénoncer les activités de Satan. Nous allons parler de la délivrance. En parlant de la délivrance, c'est pour entrer en profondeur, dans la profondeur même d'une vie, votre vie, ma vie, la vie de toute l'humanité. Alors, puisque Jésus-Christ est le patron de la délivrance, le patron des démons, dans le livre de Marc, au chapitre 3, verset 27, il précise que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, si c'est le temple du Saint-Esprit actuellement, mais avant, il était le temple de qui? Des démons. Tu avais pour père le diable quand tu n'avais pas encore Jésus, quand Jésus ne t'avait pas encore sauvé, quand Jésus ne t'avait pas encore délivré du péché originel. Alors, si tu es sûr et certain que le péché originel a été ôté, donc, en ce moment-là, Jésus peut donc attraper, le Saint-Esprit peut donc faire partir les autres petits démons. C'est ce que ça veut dire ce verset que nous venons de lire. L'homme fort ici dans ta vie parmi les péchés qui t'ont conduit à être fils de Satan, comme Jésus le dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 43 à 44, il s'adresse aux pharisiens qui étaient considérés comme des grands religieux. Les docteurs de la loi, les connaisseurs, les grands connaisseurs de la chose religieuse auparavant. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 8, verset 43, 44, jusqu'au verset 45, Jésus était effectivement en train de parler, de discuter avec ceux qui se disaient serviteurs de Dieu à l'époque. Mais, ils avaient des démons dans leur vie. Si vous êtes encore habité par le péché originel, ça veut dire que vous avez encore des démons dans votre vie. Non seulement les démons, vous avez pour père le diable, qui est donc l'homme fort. Et si Jésus est descendu, il n'est pas descendu pour les démons, il n'a pas besoin d'attraper, il ne s'occupe pas des petits démons. C'est nous nous occupons des petits démons, puisque lui, il avait déjà achevé son travail. Il a attrapé l'homme fort. Je précise, Jésus-Christ a achevé son travail en attrapant l'homme fort de ta maison, de sa maison qui est ton corps. Et l'homme fort est passé par une porte centrale qu'on appelle le péché originel. Là, Satan a pris le dessus depuis Adam. C'est pourquoi la Bible précise que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Les autres petits démons, les autres péchés, donnent accès aux autres démons, les esprits dominateurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il s'adresse à ceux qui sont déjà en Christ. Mais auparavant, la Bible précise que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable, pour détruire les œuvres du diable lui-même, qui est le général. L'œuvre du diable dans ta vie, d'abord, c'est le péché originel. Alors, lorsque le péché originel est déjà détruit, le Saint-Esprit descend. Il a donc la capacité de mettre à nu tout ce que les petits démons ont fait dans ta vie à partir de ton père, tes ancêtres, y compris toi-même, donc les péchés héréditaires et les péchés personnels. Malédictions héréditaires et les malédictions personnelles. C'est pourquoi, lorsque les démons, le Nouveau Testament fait souvent référence à des personnes habitées par des mauvais esprits, subissant l'assaut de Satan, subissant la domination de Satan, subissant également l'influence de Satan, et entrant ainsi en conflit avec qui? Jésus. Parce que lorsque le péché originel est déjà détruit, on ne doit plus retrouver dans ta vie des traces des démons. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. Si toi, tu continues à avoir des problèmes avec les démons, les esprits impurs, il faut d'abord voir si l'homme fort dans ta vie a été lié. L'homme fort ici, dans ta vie, c'est le péché originel qui aurait laissé accès libre à Satan. Et quand Satan entre, il entre avec les autres démons de sorcellerie, de haine, de jalousie, d'impudicité, qu'on appelle les fruits de la chair. Ce sont les fruits. Mais ce n'est pas Satan lui-même. Mais ces fruits-là peuvent être utilisés par Satan pour t'empêcher d'être enlevé un jour, pour t'empêcher d'être délivré même, délivré pour avoir le bien terrestre que tu veux, le matériel, les richesses et autres. Alors, lorsque Jésus-Christ parlait donc des démons et des gens qui étaient réellement possédés, nous allons voir dans les évangiles, surtout l'évangile de Marc par exemple, où il relate plusieurs de ses rencontres avec des esprits. On parle de Marc chapitre 10 verset 12, pour ceux qui ont la possibilité de lire, qui sont avec moi dans ces studios. Nous allons lire le livre de Marc chapitre 3 verset 10 au verset 12. Quelqu'un peut lire donc rapidement Marc chapitre 10, chapitre 3, pardon, verset 10 et le verset 12. Qui a déjà trouvé? Ils ne sont pas prêts du tout. Donc, moi je peux continuer, vous savez, dans le livre, on a toujours des problèmes pour retrouver les versets bibliques. Oui. Dans le livre de Marc au chapitre 3, verset 10, il est écrit, oui, car comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Tous ceux qui avaient, tu as déjà lu le verset 12 aussi? Verset 12, il est écrit, mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. J'ai lu le verset 10, le verset 11, le verset 12. Au verset 11, je lis la parole. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écrièrent, tu es le Fils de Dieu. Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Alors, dans le chapitre 3, il nous remarque au verset 10 jusqu'au verset 12, les esprits impurs, il a d'abord guéri. Ça veut dire que les maladies qui te frappent aujourd'hui ont pour origine démoniaque. Parce que c'est ce que dit, déclare le verset 10. Et les esprits impurs qui étaient à l'origine de ces maladies prononçait ces phrases en disant, tu es le Fils de Dieu. Il menaçait ses esprits, il chassait ses esprits. Il est le seul prophète depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament qui aurait chassé les démons, qui aurait beaucoup plus parlé des démons, de Satan, jusque dans les profondeurs du diable. Nous allons continuer à lire d'autres chapitres, toujours dans l'évangile de Marc, puisque nous sommes dans l'évangile de Marc. Nous allons lire le chapitre 6, le verset 7, d'abord le chapitre 5, le chapitre 5, à partir du premier verset où il est dit, ils arrivèrent donc à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme sortant des sépulcres. et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres. Et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu des fers aux pieds. Et avant, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru se prosternant devant lui. Au verset 7, il est écrit, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, très haut ? Je t'ai conjuré au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit, « Car nous sommes plusieurs. » Il le priait instamment de ne pas les envoyer dans les abîmes. « Nous sommes plusieurs. » Donc, ça veut dire qu'un seul corps peut être habité par plusieurs milliers de démons. Alors ce soir, puisque c'est l'événement qui touche les démons, nous allons parler d'abord des esprits que vous appelez généralement les maris de nuit et les femmes de nuit, les démons sexuels. On entend généralement dire aussi les incubes et les succubes. Alors, ces démons travaillent, ce sont des esprits. Mais il y a aussi des sorciers qui utilisent les mêmes démons, les mêmes procédés, pour pouvoir dominer, pour pouvoir détruire les femmes et les hommes. Alors, ces esprits, puisque nous allons commencer par ce qu'on appelle les incubes, et ces incubes sont donc des esprits, en principe, qui ont une origine démoniaque, des entités maléfiques de sexe masculin. Vous allez me dire, l'esprit n'a pas de sexe. Mais ici, quand il veut agir, par exemple, une femme peut porter le sexe masculin pour détruire les autres femmes. Mais c'est un esprit. Et c'est pourquoi on dit dans le jargon des satanistes que cet esprit a un sexe masculin, même si c'est une femme qui utilise cet esprit. Le sexe masculin. Donc, il possède donc la femme, il utilise la vie de cette femme, le corps physique de cette femme. Et cet esprit a une apparence du bouc. Le bouc, c'est le mâle, bien sûr, de la chèvre. Alors, il a cette apparence, possédant effectivement les pieds. Dans mon témoignage, je parlais du pied de Bis qui était brûlé, une partie de son corps qui était brûlée. Parce que chaque esprit doit prendre une apparence. Alors, une femme qui a des rapports sexuels constamment ne peut pas me dire aujourd'hui qu'elle n'a jamais couché avec une chèvre. Je dis bien chèvre. Pas dans un sens animal, mais dans un sens esprit. Mais alors, pour accomplir cette sale besogne, il prend effectivement le corps d'un animal qu'on appelle la chèvre. Ça, c'est dans le domaine des esprits. La chèvre. Ça veut dire que toi qui me regardes et qui a souvent eu des rapports sexuels dans les rêves, les boucs couchent avec toi. Le mâle de la chèvre, c'est le bouc. Donc, il couche avec toi. Il va donc utiliser le sexe de ce bouc. Ces esprits diaboliques violent des femmes parce qu'il le fait. Il ne le fait pas avec ta volonté. C'est en principe considéré comme un viol. C'est pourquoi dans la sorcellerie, on appelle ça viol. Mais dans le satanisme, on ne prend pas le viol. C'est pourquoi les satanistes utilisent beaucoup plus d'argent. Le sataniste veut avoir la volonté de la femme avant de coucher avec cette femme-là. Et pendant ce temps, dans la sorcellerie, dans les esprits méchants, dans les lieux célestes, comme le dit la Bible, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, ces esprits, en principe, utilisent dans les corps des hommes, les corps des animaux comme des boucs et autres. Ils violent donc la femme, donc parce qu'ils couchent. On a souvent entendu des femmes chrétiennes, mais de nouveau, qui disent que j'ai des rapports sexuels dans les rêves, je veux la délivrance. Ça veut dire que cette femme refuse d'avoir des rapports sexuels avec ses esprits, mais quand elle se couche, elle voit un homme qui est sur elle. Donc c'est un viol. Le viol aussi, le viol physique, toute femme qui a été violée doit comprendre que elle a une alliance avec des esprits, avec ces esprits-là. Si tu as été violée physiquement par un garçon, que ce soit un parent, cousin, oncle, même père ou toute autre personne dans la famille, ça veut dire quoi? Tu as une alliance. Et cette alliance se manifeste effectivement dans le chiffre 6, donc ce que nous appelons le nœud coulant, l'envoûtement par le nœud coulant. Donc tu es attaché à un esprit, tu as épousé un esprit, il n'y a jamais... Si tu continues à avoir des rapports sexuels dans le rêve, ça étant déjà marié, ça veut dire que tu n'as jamais eu la délivrance. Même si on a prié et que tu es tombé 10 fois, il y a les touffes de cheveux qui sont restées sur le ciment parce que tu tombes à chaque fois. Quand tu vas subir des délivrances dans les églises, tu dois toujours tomber dans les conférences, tu dois toujours tomber, laissant les perruques par terre, mais tu es toujours lié par cette alliance. Et là, nous ne parlons pas encore de l'esprit humain, nous parlons d'un esprit, des démons, qu'on appelle incubes. Parce qu'il y a l'esprit humain d'un sorcier, tu peux avoir une alliance avec l'esprit humain d'un sorcier, qui peut être ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton maître à l'école primaire, ton professeur, ton employeur, collègue de service, ça peut être n'importe qui dans la société. Il peut te faire ça dur. Donc, ici, ces esprits diaboliques, comme je le disais, c'est pendant le sommeil qu'ils violent leurs victimes, qu'ils couchent avec leurs victimes. Je ne parle pas, je ne m'adresse pas à ceux qui ont envie, qui ont souvent eu envie, parce que les païens, avant de se coucher, il y a même d'autres qui prient, « Oh Seigneur, donne-moi une belle femme dans les rêves, donne-moi un beau garçon dans les rêves. » Mais ce sont des démons. Je ne m'adresse pas à ceux-là, mais je m'adresse à ceux qui ne veulent pas avoir ce genre de contact spirituel dans les rêves. C'est un viol. Même si tu n'as jamais été violé physiquement. Et ce sont les mêmes esprits aussi qui amènent des hommes à vous violer physiquement. Chaque femme qui a été violée, comme je viens de le dire, doit comprendre qu'elle est liée. Qu'elle est liée. Qu'elle est possédée. Qu'elle est possédée. Parce que ces esprits ont réussi à s'imposer. Pour parvenir à s'imposer dans la vie, pour parvenir à te posséder. Les gens ont toujours expliqué le mot possession, disant que un chrétien va être possédé. Mais c'est faux. La possession n'est pas seulement parce que l'esprit contrôle ton esprit et que tu n'es pas du tout tu es conscient de tes actes. Tu n'es pas fou comme le fou de Gadérien qu'on a lu tout à l'heure. Ce n'est pas seulement ça qu'on appelle possession. Mais avoir un esprit dans ton corps, avoir un pacte, avoir une alliance, avoir être dans le nœud, tu es possédé. Tu es possédé. Qu'est-ce que vous appelez possédé? Est-ce que normalement, un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli de Saint-Esprit, doit avoir ce genre de contact? Doit être habité par un esprit? Doit être dans un nœud? Non, pas du tout. Puisque la Bible préconise que quelle est trois parties de ton corps, esprit, âme et corps physique, soient sanctifiées dans le livre de 1 Thessaloniciens. Mais alors, voyons, sanctification veut dire quoi? Mettre à part. Mais toi qui se dis chrétien, où est donc cette sanctification? Et la Bible précise aussi, sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alors, ça veut dire que si ces choses habitent dans ton corps, tu es possédé. Le Saint-Esprit n'y est point là, dedans. Donc, il faudrait faire très attention. Alors, les incultes procèdent de cette manière pour ébranler les bases des mariages. Parce que chaque personne, dont la plupart, pas la plupart, toutes les filles célibataires qui sont arrivées à un âge de se marier et qui ne sont pas encore mariées, vous avez des alliances. Tu as déjà 25 ans, tu as déjà 30 ans. Tu as quand même envie de se marier. Ou bien il y a eu les fiançailles brisées. Tu es dans le nœud. Il te faut la délivrance. Il y a eu plusieurs fiançailles brisées. Ou bien il n'y a jamais eu de fiançailles. Il n'y a personne qui a osé dire un jour je vais t'épouser. Ils viennent seulement, ils couchent avec toi et s'en vont. Ou bien c'est des hommes mariés que tu rencontres tout le temps. Ou bien tu es marié, mais tu es victime. Tu es déjà marié, mais tu es victime des rapports sexuels dans les rêves. Tu es victime des actes de sorcellerie qui ne touchent même pas d'abord les rapports sexuels dans les rêves. Les actes de sorcellerie, c'est quoi? C'est les ressentiments. Tu as des ressentiments envers ton mari. Le mari a des ressentiments envers la femme. Ou bien le mari te trompe. Ou bien c'est toi qui trompes ton mari. Ou bien tu es resté tellement lié aux membres de ta famille. Si c'est un homme, voilà pourquoi et comment on peut discerner et détecter la présence des incubes dans la vie d'un homme lorsque ce dernier reste attaché à sa mère, étant déjà marié. Mais ce dernier reste attaché à sa mère. Ce dernier reste attaché à ses sœurs. C'est ce que ses sœurs disent qu'il met en pratique. C'est ce que sa mère dit qu'il met en pratique. C'est ce que son père dit qu'il met en pratique. Il n'écoute jamais sa femme. Il blâme sa femme à cause des autres. On dit ce que sa mère dit, il commence à blâmer sa femme. Ce que ses frères disent, il commence à blâmer sa femme. Ce que l'on dira également dehors, il ne va pas vérifier si c'est vrai ou c'est faux. Il s'engage à blâmer sa femme. Ça veut dire que les esprits succubes, là c'est ce qu'on appelle les esprits succubes, incubes touchent les femmes. Succubes touchent quoi? Les hommes. Ce sont des esprits, les succubes sont des femelles. Alors, nous allons, donc, au niveau des signes, lorsque tu observes que ton mari est tellement attaché, nous ne sommes pas encore au niveau, mais ta femme, puisque nous on a commencé avec les femmes, les incubes. Donc, si tu observes que ta femme est souvent attachée aux membres de sa famille, puisque la Bible dit, l'homme qui dira son père et sa mère, il s'attachera. L'homme ici, c'est avec un H majuscule, c'est-à-dire y compris la femme. La femme doit quitter son père et sa mère, ses soeurs, ses frères, ses oncles, ses tantes, lorsque cette dernière va en mariage. Elle doit être liée automatiquement à son mari. Elle doit écouter. Elle doit travailler pour le bien-être de son mariage. De son mariage. Si tu as signé un contrat de mariage où on dit bien séparé, monsieur, tu es dans le nœud. Madame, tu es dans le nœud. Et vous voyez, les esprits utilisent aussi les lois humaines. Vous arrivez dans un pays où on vous dit que, et ici, là, il n'y a pas de bien commun dans le mariage. Mais, il n'y a pas de bien commun. Nous sommes mariés, pourquoi? Pourquoi nous devons rester dans une maison? Pourquoi nous devons dormir sur un lit? Et pourquoi on doit se présenter devant les administrateurs pour dire que nous voulons vivre ensemble comme mari et femme si les biens sont séparés? Or, la Bible déclare que vous êtes un. Vous êtes un. Mais au niveau des sous, vous n'êtes plus un. Et si vous remarquez que votre femme fait des choses en cachette, ça veut dire que elle est liée aux membres de sa famille, avec les esprits incubes de sa famille. C'est pourquoi elle reste tellement liée. Elle écoute les gens de sa famille plus que toi. Elle fait des choses beaucoup plus avec les gens de sa famille, ce que toi tu ne connais pas. Elle est liée beaucoup plus Sa vie est gérée par les membres de sa famille. Elle dort seulement avec toi. Mais ce qui est secret, elle tisse avec les membres de sa famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a des alliances très poussées. Très poussées. Et ces alliances sont donc les esprits qu'on appelle incubes, donc mari de nuit, femme de nuit, des démons. Nous allons entrer dans les détails. Mais nous parlons d'abord ce que les satanistes ont appelé les incubes et les succubes. Alors, nous continuons dans les moindres détails concernant les signes. Parce que je donne toujours les signes. Parce qu'il faut bien observer vos épouses si elles n'ont pas d'alliance avec les incubes. Vous allez mieux faire la détection ou bien le discernement des esprits. C'est pourquoi il n'y a souvent pas de délivrance. Parce que Jésus-Christ, quand il commence son ministère, le gars commence avec les délivrances. Et vous allez remarquer que dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 23 à 28, et je crois que ça doit être lu, effectivement. Marc, chapitre 1, versets 23 à 28, Jésus ne se lassait pas vraiment de parler des démons. Et les démons sont entrés en contact avec son ministère. Parce que Dieu l'avait, la parole de Dieu qui s'est fait chair, cette parole qui s'est fait chair, qui est descendue, le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres de Satan. Et l'évangile, c'est pour la démolition des œuvres de Satan. Mais vous ne pouvez pas parler de Jésus sans parler des démons, sans parler des esprits, de la destruction de ces choses, de la sorcellerie. Non. Et vous ne pouvez pas parler aussi des prières sans parler de Jésus, sans annoncer l'évangile, sans prêcher la parole. Parce qu'il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui ne font que parler de prières avec des trucs. Oui, vous allez utiliser ça, le parfum, les bougies, l'eau, les herbes, les écorces, vous allez faire ceci, somme ceci, vous allez lire somme cela, et puis c'est les prières, c'est les prières, c'est les prières. Mais sans la parole de Dieu, ça c'est de la sorcellerie. Mais dans l'une des actes des apôtres, il est dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières en dernière position. Alors, nous lisons, si mon comité qui m'accompagne a déjà trouvé le chapitre 1er, Marc chapitre 1er, à partir du verset 23, nous lisons. Amen. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, du verset 23 au verset 28, il est écrit: il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Ah, dans la synagogue, un homme. Mais il y a combien de personnes dans les églises aujourd'hui qui ont des esprits impurs, qui fréquentent les églises des réveils, bien sûr. Je ne parle pas des églises mortes. Ça, c'est le cimetière. Ça, ce sont des sépulcres. Les églises mortes. On ne parle pas de la nouvelle naissance. Ça, c'est vraiment le champ libre pour Satan. Mais dans les églises dites du réveil. Mais alors, pourquoi? Et cet homme avait un esprit impur. Oui. Et il s'écria. Il s'écria. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus-Christ? Qu'y a-t-il entre moi et toi, nous et toi? Jésus de Nazareth. D'autres esprits. Oui. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Oui. Tu es venu pour nous perdre. Tu es venu pour nous perdre. Donc Jésus est venu pour perdre les démons. Pourquoi? Toi, tu parlais de Jésus et tu continues à avoir des rapports sociaux dans le rêve. Tu es venu pour nous perdre. Le démon le savait. Pourquoi toi, tu n'es pas délivré? Pourquoi la sorcellerie te frappe? Pourquoi ta belle-mère te menace? Pourquoi tes beaux-pères et autres? Tout ce monde-là. Donc, nous sommes toujours au niveau, tu vas continuer, mon fils, nous sommes au niveau des incubes. Je donne des signes. Il faut bien remarquer ta femme à partir, bien discerner les esprits qui sont sur ta femme. Maintenant, au moment où je suis en train de te parler, observe ta femme correctement. Tu comprendras que peut-être vous n'allez pas achever votre course ensemble si elle ne passe pas la délivrance. Tout à l'heure, je vais aussi toucher les hommes. Mais je suis encore au niveau des femmes. Où il est dit, les femmes ainsi, harcelées par les incubes, et qui ont tout de même des rapports sexuels avec un homme, voient leur mariage détruit, ou bien leur relation détruite. Vous avez des rapports sexuels, donc il faut bien poser des questions à ta femme. Si depuis que vous vous êtes marié, elle a déjà eu, ne serait-ce un seul rapport sexuel, ceci indique clairement que cette femme est dans le nœud. Je ne me poserai pas la question de savoir si tu es dans le nœud ou pas. Tu es dans le nœud, le sixième nœud. Donc, madame, tu es possédée. Et tu sais, je m'en vais vous expliquer ce qu'il retire quand il a des rapports sexuels avec toi. Ce n'est pas un petit sujet que j'aborde aujourd'hui. Et tout homme qui va coucher avec une femme qui a déjà, qui a souvent des rapports sexuels dans les rêves, cet homme aussi entre dans ce nœud. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas suer le lit conjugal. Suer, c'est-à-dire aller avec une autre femme, commettre l'adultère, ou bien avec un autre homme. Et ça, c'est très important. Donc, il y a donc des problèmes de stérilité. Toute femme stérile a une alliance avec des esprits. Les femmes qui n'accouchent pas. Les femmes qui accouchent, qui conçoivent. Et dont la suite, ce sont des fausses couches. Ou les femmes qui ne conçoivent pas du tout. Les femmes qui ont des règles prolongées. À plus de 3 jours, la science peut te dire n'importe quoi. Les femmes qui ont des sécheresses vaginales. Les femmes qui ont également l'écoulement, l'eau qui coule parfois avec des odeurs un peu bizarres. Les femmes qui ont des pertes blanches en abondance. Les femmes qui ont des odeurs vaginales très poussées. Les femmes qui ont des odeurs corporelles, même si vous avez utilisé un parfum de grand prix, elle a toujours, si elle passe même sur ton lit, après son départ, 2 jours plus tard, tu as toujours cette odeur sur le lit. Alors comprends que tu as affaire à une femme qui n'est pas neutre au sujet des contacts d'envoûtement diabolique avec cet esprit diabolique et autres. Les femmes également qui drainent des démangeaisons vaginales, des femmes qui drainent également des infections vaginal aussi, des femmes qui ont toujours ce qu'on appelle le ver des femmes, le ver qui pique au bas-ventre, là. Et c'est par là, pose toutes ces questions, avant d'épouser, avant de dire que je vais t'épouser, pose toutes ces questions à cette fille que tu veux épouser. Parce que parfois l'emballage vous trompe, avec les feux de code, les clignotants qui sont sur le visage. Cette beauté artificielle trompe les hommes aujourd'hui. Elle est belle, elle brille sur Facebook. Et puis tu commences déjà à dire, on va se marier. Mais est-ce que tu connais son identité spirituelle? As-tu vérifié qui elle est? Quel bagage spirituel cette fille traîne derrière elle? L'autre signe, c'est le signe de l'incrédulité. Tu veux épouser une fille? Mais tu constates qu'elle est tellement incrédule, elle n'aime pas les affaires de Dieu. Et puis toi, tu persistes parce qu'elle est belle, parce qu'elle travaille. Tout ceci, ce sont des symptômes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et voici les signes qui accompagnent toute fille ou toute femme qui est possédée par les esprits incube. C'est ce que je suis en train d'entendre. Vous devez donc absolument demander la délivrance. C'est-à-dire vous présenter au temps de nation Paris ou bien au temps de nation Douala, parce que nous avons effectivement le temps de nation à Douala. Nous avons effectivement le temps de nation à Yaoundé. Il y a mes enfants à Cotonou, comme Alexis, à Libreville, le temps de nation. Va raconter à Libreville d'où se trouve le pasteur Norbert. Si vous êtes à Libreville, ce sont des gars qui ont l'onction de papa. pouvez m'appeler et je fais une recommandation. Partout dans le monde entier, vous pouvez nous contacter directement. Et si vous constatez que votre femme a des sauts d'humeur, elle est liée. Votre femme est toujours prête à partir. Moins de discussion, je m'en vais. Elle emballe ses affaires. Parfois, son sac est arrangé. Ça attend. Parfois, c'est elle-même qui te provoque. Elle te provoque. Elle est aujourd'hui calme, demain fâchée. Mais alors, comprends une chose. Il y a une alliance démoniaque des incubes dans-dessus. Elle est dans le sixième nœud. Plus le septième. Parce que le septième, selon Dieu, c'est l'alliance du mariage, la bénédiction. Le chiffre 7 chez Dieu, c'est la bénédiction. Mais 7 a été inversé par des satanistes. C'est la démolition. Donc, une fille qui commet l'adultère facilement, qui a, comme on le dit, qui a l'accuse légère, dans le monde on le dit, c'est-à-dire, elle ne s'est pas refusée. Ta femme commet l'adultère rapidement, elle est légère. Même parfois, avec tes frères, elle couche. Tes frères, tes propres frères, des amis intimes couchent. Des pasteurs repassent dessus. Également d'autres personnes, des faux. D'autres personnes, dans l'église où elle va, elle sort avec des gens. C'est ta femme, hein? Mais il faut comprendre une chose, qu'elle n'est pas ta femme. Elle est la femme des démons. Je répète qu'elle est la femme des démons. Ta femme qui ne t'écoute pas, c'est-à-dire elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle écoute plutôt ce que les autres disent. Elle écoute des conseils, plus des conseils du dehors que tes propres conseils à toi. Tu n'as jamais eu des moments intimes avec ta femme. D'intimité, faut vraiment que vous vous entendez, elle ouvre son ventre, elle ouvre son cœur. Il y a toujours des petites choses, comme on le dit au Cameroun, bac, bac, bac, bac, bac, bac. Sache que tu n'as pas de femme. Elle est liée spirituellement. Mais elle peut être délivrée. Et c'est toi qui peux l'aider à être délivré. Comme la Bible nous dit déjà, Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22. Vous pouvez lire, et moi je vais lire, et moi qui vais lire ça ici dans ma Bible, qui est une Bible. La Bible dit ceci, au verset 22, voici ce qui est écrit. Femmes, soyez soumises à vos maris, oui, ça c'est pour les hommes et autres. Donc, après la soumission, au verset 25, maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, tu dois aimer Christ, c'est ta femme. Mais tu constates que là, je ne te demande pas, comme les autres qui prêchent, ta femme est sorcière, il faut la quitter. Non, non, non, Dieu n'a jamais dit ça. Que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Même si elle est sorcière. Écoute d'autres signes, je continue à donner. Si tu vois que ta femme est réellement ce qu'on appelle accro du sexe, parce qu'il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. Elle vit dans une masturbation que même si elle termine avec toi, elle n'est jamais satisfaite. Alors comprends une chose. Monsieur, ton foyer est en danger. Ta femme aime l'argent, liquide. C'est-à-dire, vous êtes en bonne santé sentimentale, vous avez une bonne santé sentimentale quand il y a le fric. Toi-même, tu dois le savoir. Quand une femme aime l'argent, ça ne s'ignore pas. Hein? C'est quand il y a le fric qu'elle est liée avec toi, qu'elle s'abandonne même entre tes mains. Mais s'il n'y a pas de fric, elle est indifférente. Et si également, pour aller avec elle, il faut des gymnastiques, c'est-à-dire pour aller avec elle sur le lit, il faut des gymnastiques. Mais monsieur, comprends que tu n'as pas de femme, spirituellement parlant. Il faut la délivrance à cette femme-là. Il faut la délivrance à cette femme-là. Parce que elle est rassasiée avec l'autre mari que toi tu ne vois pas. Qui se couche au milieu de vous, que vous, vous ne voyez pas. Mais il est là. Et si toi, monsieur, tu as l'habitude de faire les rêves que, pendant que vous dormez, dans tes rêves, tu vois un homme couché au milieu de vous, ne te pose pas la question si c'est le mari de ta femme. C'est lui. Mais si tu vois une femme, c'est que c'est ta femme, toi. Si tu vois une femme dans le rêve qui est couchée au milieu de vous, ce n'est pas la femme, mais c'est toi. C'est ta femme spirituelle. Je vais te toucher tout à l'heure. Ne te réjouis pas. Et nous continuons. Il dit, tu dois aimer cette femme comme Christ a aimé l'Église. C'est grave ça. Comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a aimé l'Église? C'est ça le grand, la grande question. Femme, soyez soumise. Alors, si ta femme n'est pas soumise, il y a quelque chose. Elle est soumise à un mari. C'est pourquoi dans la nuit, dans la journée, elle n'est pas soumise. Quand tu dis un mot, elle est déjà à mille. Elle t'insulte correctement. Elle est arrogante, orgueilleuse. Et toi, madame, pour être délivrée, il faut être honnête avec toi-même. Il faut reconnaître que tout ce qu'il dit là m'arrive souvent. Là, Christ va te délivrer. Parce que la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Si tu es orgueilleuse, que tu ne reconnais pas, alors que ça existe dans ta vie, tu ne seras jamais délivré, tu iras en enfer. Parce que si tu n'es pas soumis à ton mari, que tu vas passer l'éternité où c'est en enfer. C'est exact, tu vas passer l'éternité en enfer. Alors ces démons d'incube va faire quoi? Va te pousser à être orgueilleuse. Va te pousser à s'attacher. Tu ne dois pas, si tu constates que ta femme est tellement attachée à un pasteur, à un évangile, à un prophète, sache que ce sont des signes qui prouvent qu'il y a mari de nuit. Il est attaché à quelqu'un d'autre. Elle se confie aux gens. Elle se confie, elle dit tout. Parce que la plupart des femmes, le ventre, tout ce qui concerne le foyer est dehors. Ça, c'est le foyer physique. Mais le foyer spirituel, est-ce que c'est dehors? Parce que son vrai mari est dans les ténèbres. Si elle n'a pas de plaisir physique avec toi, mais dans les ténèbres, elle a un plaisir intense avec cet homme-là, quand il vient dans la nuit. Si elle-même est honnête, elle va te dire ça. Que quand elle a des rapports dans les rêves, c'est avec un plaisir intense. Mais avec toi, c'est comme si c'est le couteau qu'on mettait dedans. Pourquoi cela? Un jour, je venais juste de recevoir le Seigneur. Suivez-moi très bien. Et il y avait une dame en Allemagne, bien sûr, et moi j'étais encore en Afrique. Je n'avais pas encore commencé les voyages. Mais le livre était déjà sorti. Le livre témoignage va et raconte ce que j'ai fait pour toi, édité par les éditions Parole de Vie, ici en France. Alors, une femme va lire ce livre, une Algérienne qui vivait en Allemagne, qui a épousé un Allemand. Elle tombe sur ce livre qui donne des détails sur certaines choses que je suis en train de dire, parce que ça fait 25 ans que je suis prêtre étranger. Et elle va reconnaître que ce qui était dit, c'était même pas dans les détails, parce que dans le livre, ces détails ne se trouvent pas. Là, je parle de satanisme, mais elle a reconnu certains faits. Elle va m'écrire. Elle m'explique dans sa lettre que, homme de Dieu, voici ce que j'ai vécu. Dans mon enfance, j'avais subi un viol de mon oncle quand j'avais 11 ans. Son oncle l'avait violé. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ que les esprits incubent pénètrent dans les corps des femmes, des filles, des femmes, lors des viols. Et pour pratiquer la sorcellerie, pour posséder le corps, pour voler ton mariage, pour voler ta destinée, on doit te violer. Et violer ici n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Lorsque tu as des rapports sexuels dans le rêve, c'est un viol parce que ce n'est pas des rapports consentants. Tu n'as pas accepté ça. Alors, elle va subir ce viol. Elle est grandie après ses 21 ans. Elle effectue le voyage, elle arrive en Allemagne. Elle rencontre un Allemand. Elle se marie avec cet Allemand. Mais ce qui va se passer, c'est que depuis plus de 6 ans, le mari n'a jamais passé une nuit avec elle sur le lit. Les premières nuits après le mariage, le mari se couchait avec sa femme sur le même lit, mais au petit matin, il se retrouvait sur le plancher, couché à même le sol. Donc le démon, cet esprit incube, soulevait le mari et déposait le mari par terre. Il labourait la femme correctement. Et quand le mari se réveillait dans la matinée, il est couché par terre. Alors qu'il s'est couché le soir avec sa femme sur le lit. Et quand il a subi ces assauts sataniques, lui qui ne maîtrisait pas, il ne savait même pas ce que c'est, qu'est-ce qui arrive. Il a préféré, le jour qu'il dort seul, du matin jusqu'au soir, du soir jusqu'au matin, il est sur son lit. Mais le jour qu'il dort à côté de sa femme, il se retrouve le matin par terre. Alors, ils vont se séparer. Chambre à part. Il dort très bien. Et le jour qu'il a des rapports sexuels avec sa femme, la femme explique que c'est comme si c'est une lame que le monsieur utilisait pour découper son utérus. Elle avait de ses douleurs, mais quand elle couchait avec cet esprit dans les rêves, depuis le viol, elle avait des rapports sexuels dans les rêves, tout le temps. Mais elle avait un plaisir intense qu'elle n'a jamais ressenti avec un homme. Alors, depuis le Cameroun, j'étais au Cameroun à l'époque, je n'avais pas encore commencé le voyage missionnaire. J'ai dit à cette femme, je l'avais d'abord annoncé l'évangile, je dis bien annoncé l'évangile, prêché l'évangile. Et je l'avais conduit au Seigneur, malgré qu'elle fréquentait des églises. Mais elle n'était pas née de nouveau. Mais elle fréquentait des églises. Elle avait un problème. Elle exposait le problème au pasteur matin, midi, soir, tous les pasteurs qu'elle rencontrait. Parce que vous là, vous ne faites que chercher la solution à vos problèmes terrestres. C'est ça le problème. Comment Christ va vous délivrer? Est-ce que Jésus est venu pour régler les problèmes terrestres? Le premier problème que Jésus est venu régler, c'est le problème du ciel. Votre entrée au ciel, c'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que vous voulez, vous sera donné par-dessus. Mais de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que chercher la délivrance. On ne fait que chercher la délivrance, la guérison. Délivrance, guérison. Tous les jours. Madame, monsieur, tu es en danger. C'est pourquoi tes problèmes ne finiront pas. Et les faux pasteurs qui viennent faire des prières, il dit, nous allons vous délivrer, prenez ceci, prenez cela, ce sont des faux. On doit d'abord t'annoncer le vrai évangile, la nouvelle naissance, tu reçois le Seigneur. Et quand tu reçois le Seigneur, le Saint-Esprit entre sur toi. Et toi-même, tu es capable même de chasser les démons. Ils vous tiennent comme prisonniers ou prisonnières, parce qu'ils veulent tout simplement que vous puissiez dépendre d'eux. Dépendre de lui. Il va te dire, prends aujourd'hui la chambre là, et il y a des démons dans la chambre, ne touche pas, et les démons en haut, et les démons en bas, et les démons ceci, ne fais pas ceci, fais ça. Tu seras toujours dépendant. Dépendant. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien du tout. Tu dois d'abord recevoir le Seigneur. Quand tu reçois le Seigneur, tu deviens la terreur de Satan. La terreur des démons. Le démon ne peut pas entrer dans la chambre où tu dors. Non. Aujourd'hui, toi, tu as peur des démons. Dans la maison qui a été sanctifiée. Parce que, il faut que, lorsque tu reçois le Seigneur, que les hommes de Dieu sanctifient également, qu'ils maîtrisent, sanctifient également ta maison. Parce que c'est toi qui as fait entrer, tu étais la fille ou bien le fils de Satan, et toi tu as reçu le Seigneur. Il faut que la maison soit sanctifiée. Comme ton corps a été sanctifié par l'évangile que quelqu'un a annoncé. Il a prié sur toi. Il chassera les démons. Est-ce qu'il doit chasser les démons sur moi? Mais je chasse les démons sur ceux qui m'écoutent. J'ai aussi quelqu'un qui doit prier pour moi, c'est mon père spirituel. Alors, qui est ton père spirituel? Alors, je continue à te donner des signes, puisque il nous reste quelques minutes. J'ai parlé de la soumission. La Bible dit déjà que la femme doit se soumettre. Mais si la tienne n'est pas soumise, sache que le mari ne lui est passé par là. Si tu ne parviens pas à la toucher, vous n'avez pas des rapports normaux, des rapports sexuels normaux, sache que elle est liée dans le sixième nœud. Et si également, quand tu ne l'avais pas, cette femme-là, tout allait bien financièrement. Mais depuis que tu l'as, c'est des problèmes. Je m'adresse aux hommes. Alors sache qu'elle est liée. Et depuis que toi tu es entré en contact avec elle, depuis que toi tu es entré en contact avec elle, ce même lien, tu es entré aussi dans le même lieu. C'est pourquoi tout s'écroule. Mais je ne te dis pas de la quitter, comme disent les féticheurs. Et c'est ta femme qui est responsable. Tel prophète t'a dit, c'est la femme, il faut quitter cette femme-là. Non, c'est faux. Tu ne vas pas la quitter. Et je répète que nous ne sommes pas sur cette terre pour les biens matériels. Nous sommes sur cette terre pour aller au ciel. Et alors, pour aller au ciel, il faut travailler pour le salut des âmes. Il faut financer l'évangélisation. C'est pourquoi Dieu te sauve étant jeune. Dieu te sauve étant riche parce qu'il veut utiliser ton argent pour annoncer l'évangile, pour que le monde entier soit embrasé par l'évangile, le feu de l'évangile. Je parlais à une sœur, à un couple hier qui est venu me voir, qui tend le Portugal, ils sont venus me voir. Je leur ai expliqué en disant, vous savez pourquoi les enfants de Dieu ne sont pas riches? Parce qu'ils pensent que Dieu les a sauvés pour les rendre riches sur terre et qu'ils utilisent cet argent. Oui, parce que la Bible précise que Dieu peut vous combler de tout ce de grâce, afin que possédant toujours de quoi pourvoir à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, vous voyez. Donc Dieu ne te bénit pas pour tes besoins personnels. Pourquoi Dieu va te donner une grande entreprise? Tu deviens propriétaire d'une grande entreprise parce que tu dois construire tes maisons, alors que la terre dont nous vivons aujourd'hui doit être détruite. Mais Dieu veut que tu aies une grande entreprise riche pour financer, tu construis, tu verses de l'argent pour l'œuvre de Dieu, des chaînes de télévision, tu ouvres. Moi, j'avais amené un homme, l'ancien ministre des Finances de Yadema, au Togo, au Seigneur. C'est moi qui l'avais amené. Mais ce qu'il a fait pour le Seigneur, il a construit une. Il a acheté du matériel en Italie radieux. Il a donné tout un immeuble radieux, tout. Pour loger cette radio, allumer, radio bonne nouvelle. Père, son âme, c'était mon enfant spirituel. C'était mon enfant spirituel. La radio Bonne Nouvelle, c'est son fils qui gère ça. Maintenant, à Lomé. Mais par cette radio où j'ai prêché l'évangile, Lomé a été embrasé. Si lui n'avait pas dépensé, il me dit, papa, annonce l'évangile. Sans cet évangile, moi, je n'allais pas être sauvé. Donc, annonce l'évangile. Mais toi, tu veux que Dieu, tu veux avoir une belle femme, pourquoi? C'est pas pour montrer aux gens comme le roi voulait montrer, le mari de ses voulait montrer à ses, étant sous, il voulait montrer à ses administrés qu'il a eu une belle femme. Mais est-ce que le démon que a manqué de frapper, la femme l'avait désobéi, elle a perdu le foyer. Une femme qui vit dans la désobéissance va perdre son foyer. Ça veut dire qu'elle est liée ailleurs. Elle-même doit comprendre que j'ai des réticences. Si tu remarques que après le mariage, ça a marché pour quelques mois ou bien quelques années, après la haine s'est installée dans votre foyer, et sache, ou bien les enfants commencent à tomber malades, des problèmes, sache qu'il y a des liens avec des esprits incubes. Ta femme est liée, ou toi-même. Parce que nous allons aussi parler de toi. les signes qui accompagnent les hommes qui ont des mariages spirituels. Cette émission, je touche essentiellement les femmes. Cela étant, comme je le disais, il n'est pas rare que la femme éprouve bien plus de jouissance sexuelle avec un esprit incurable qu'avec un homme normal. Toute femme, tu dois donc comprendre. Quelques-unes, beaucoup de femmes se réveillent avec leur drap tout mouillé, le lit est tout mouillé. Parce qu'elle a eu des rapports sexuels. Elle est mouillée comme si elle avait eu des rapports normaux en plein jour. Est-ce que vous savez que ça entraîne parfois des maladies, des tumeurs cancéreuses? Ces démons logent, comme il avait logé dans le bas-ventre de ma mère. Qu'est-ce qui a tué ma mère? Il loge les serpents. Le sorcier qui couche avec toi. Si un homme t'avait dragué, et vous vous êtes séparés, et tu continues à penser à cet homme, il y a un esprit, même si cet homme n'était pas sorcier, mais il y a un esprit qui est entré. Et cet esprit-là va faire tout et tout pour que vous... Si ta femme est incapable de se séparer avec son premier homme, ou bien ses premiers, et garde toujours les contacts au téléphone, des contacts téléphoniques, elle ne veut pas, au niveau du téléphone, les numéros sont toujours là, ces gens-là, comme Facebook qui est le réseau le plus dangereux, satanique, démoniaque. Parce que même si tu as perdu de vue un homme, il y a de cela quelques années, vous étiez ensemble, mais avec Facebook, ces démons vont utiliser Facebook pour vous remettre ensemble. Pour les hommes, c'est pareil aussi. Donc Facebook aujourd'hui, pas seulement Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui sont un instrument puissant pour les maris de nuit, pour les femmes de nuit, où on vient donc exposer l'amour des films pornographiques, des images pornographiques, plus effectivement. L'amour des actes infâmes. Le fait d'aimer mettre le sexe dans la bouche. Ou bien de faire passer les rapports sexuels, comme nous dit déjà la Bible, toi homme, au lieu d'avoir des rapports sexuels avec toi, ta femme te dit non, non, c'est pas seulement cette partie de devant là, mais derrière, j'aime ça beaucoup. Mais sache alors que vous êtes liés, vous deux. C'est une alliance satanique démoniaque. Démoniaque. Je dis bien, c'est très dangereux pour cette femme. Les femmes qui ont la haine pour les hommes, l'homme ne me dit absolument rien. Non, non, non, c'est pas toi qui parles. C'est l'incube là qui est en train de parler, qui est dans ton corps. Le mariage ne me dit rien. Je suis là seulement pour exploiter les hommes. Ou bien les filles qui ne rencontrent étant encore célibataires, qui ne rencontrent que les hommes mariés. Quelle que soit la raison que vous avancez, mais sache que vous êtes liés. Horriblement liés. Terriblement liés. Il vous faut la délivrance. Il vous faut une libération totale. Totale. Vous avez les démangeaisons au niveau des seins, les bouts des seins qui démangent tout le temps. Et par moments, il y a des boules. Vous allez à l'hôpital, parfois ça disparaît, parfois ça revient. Et vous savez, on introduit également ça par les actes de prostitution. Chaque fille qui aurait fait la prostitution, qui aurait aimé quelqu'un pour l'argent, tu n'es pas marié. Même si tu es marié avec cet homme-là, et c'est que c'est l'argent que tu as aimé, tu n'es pas marié. Tu es marié avec tes démons. Tu es marié avec des démons. Chaque femme qui aurait couché avec un spirit, un sorcier, les spirits sont ceux qui sont dans les cercles mystiques. Et comme ils versent beaucoup d'argent, à partir du collège, à partir de l'université, les femmes mariées, celle qui aurait à avoir, qui a eu des rapports sexuels pour avoir le travail. Ce qu'on appelle le paiement en nature. Tu voulais que l'on dédouane, tu voulais que le douanier libère ta marchandise, tu couches avec des douaniers. Tu voulais quelque chose de palpable, les finances ou le matériel, quelque chose comme ça. Tu couches avec ces responsables. Qui est responsable, c'est lui, tu voulais un diplôme, comme le font là, beaucoup de femmes, beaucoup de filles dans les universités. Tu couches, tu donnes ton corps. C'est pourquoi, dans le livre de 1 Corinthiens, la Bible précise, nous allons lire, nous sommes obligés de terminer à ce niveau-là. La Bible qui est la parole de Dieu précise. Au niveau de l'inceste aussi, si tu as eu des rapports sexuels avec un cousin, une tante, ça se passe entre les femmes, une cousine, ou bien avec ton père, il y a des rapports sexuels, ou bien les attouchements. Quand vous étiez petit là, le jeu de maman et papa, 2 ans, 3 ans, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, peut-être. L'un de vous connaissait la vérité. Alors, la Bible dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a resté le Seigneur nous restera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Alors, pour quelqu'un qui a déjà reçu le Seigneur et qui a toujours des tendances, des attirances sexuelles. Tu es femme, tu es fille, tu as reçu le Seigneur. Mais tu as des attirances sexuelles. Tu déshabilles un homme avec tes yeux. Tu déshabilles un homme avec tes yeux. C'est pas toi, il y a un esprit en toi. Tu as des attitudes de séduction, malgré que tu es converti. Tu arrives à l'église presque nu, les seins dehors, nu-jupe, les cuisses dehors. Et parfois, tu t'occupes la place en vue. Tu exposes les cuisses aux yeux du pasteur. Tu as quoi dans le corps? Ce n'est pas par amour que tu le fais, c'est un démon. Et ce démon est logé. C'est un mari. Tu es marié à un démon qui doit utiliser ton corps comme une enveloppe pour attirer, pour détruire les onctions. L'onction de ce pasteur-là doit être détruite lorsqu'il couchera avec toi. Et son onction, son appel sera détruit. On utilise ton corps comme un appât. Et chaque femme qui aime exposer, quand elle expose sa nudité, c'est-à-dire, elle peut exposer sa nudité, ça ne te dit absolument rien. Sache que tu as des alliances. Il te faut la délivrance. Si tu ne parviens pas à s'habiller d'une manière décente, sache que tu as des alliances. Et si toi aussi, non, j'aime tous soit encore les hommes, ça viendra, ne vous en faites pas. Je vais vous expliquer. Mais il est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Vous pensez que les deux deviennent sexuels seulement dans le cadre du mariage, mais c'est un mariage spirituel. Lorsque tu vas avec un homme qui n'est pas ton mari, vous êtes déjà marié spirituellement. Mais toute fille qui a été déviergée, est-ce que vous le savez, déviergée par un homme qui n'était pas son mari, est-ce que tu sais que tu es lié à cet homme-là? Tu as un mariage spirituel avec cet homme-là? Les esprits, s'il y a la sorcellerie dans la famille de cet homme, cette sorcellerie est entrée, l'homme qui t'avait déviergé, toi, ton tout premier rapport sexuel. C'est ça ton premier mariage. J'ai dit ton tout premier rapport sexuel, c'est ça ton premier mariage. Vous savez pourquoi les satanistes aiment les filles vierges? Ils parlent de la purification. Ils se purifient quand ils vont avec une fille vierge qui n'a jamais connu un homme. C'est sa façon de se purifier. Donc, il décharge. Donc, le premier homme qui t'avait connu, il avait tout déchargé sur toi. Et il a pris ce qui était positif. Il a pris la santé, il a pris l'argent, il a pris les richesses, il a pris. Donc, c'est pour cela que nous lisons la parole, la Bible dit ceci, fuyez l'impudicité. L'impudicité est particulièrement en horreur à Dieu, plus que n'importe quel autre péché. Elle profane le corps, qui est le temple de l'esprit. L'esprit ici, ce n'est pas ton esprit, le Saint-Esprit. Parce qu'une fois que tu entres en contact avec un homme ou une femme, le démon entre. Mais le Saint-Esprit va faire comment pour entrer, pour vivre dans ton corps. Tu as déjà eu notre alliance. Il va faire comment? C'est pourquoi les jeunes qui ne connaissent pas encore les hommes, vous avez une grâce. Mais vous devez préserver votre corps. Ils ne connaissent pas encore les hommes. Les jeunes femmes, je m'adresse toujours aux femmes qui ne connaissent pas. Si toi tu rencontres le Seigneur et que tu ne connais pas encore, tu as un avantage considérable. Tu dois garder ta virginité jusqu'au mariage et que c'est seulement ton mari qui découvre qui doit te dévierger. Que d'être d'abord une vieille ronguière qui a déjà une liste des hommes avec les démons, les esprits, ceci, on a déjà tout, on t'a déjà dépouillé. Et puis tu entres entre les mains d'un homme. Et si tu as tous les démons que tu as eu là-bas lorsque tu étais dépouillé, vont aussi entrer dans le corps de cet homme. C'est le feu. Il n'y aura plus d'entente. Et puis tu vas l'accuser de débauche. Est-ce que toi tu sais que c'est le démon que toi tu as pris? Quand tu étais dans cette débauche, ton premier rapport avec cet homme-là, ces démons-là sont entrés dans son corps et vont l'utiliser parce que tu restes dans une alliance. Et cette alliance, l'alliance de ton premier rapport sexuel, ce nœud-là, a-t-il été détruit? Et si ça avait été expliqué comme je le dis, tes enfants qui vont naître, tu vas constater que ces enfants-là auront des problèmes, ils seront aussi impliqués dans des pratiques, ils vont connaître des hommes, ils vont se prostituer, et ainsi de suite. Toute la famille est bien détruite. Et c'est comme ça que Satan aura une place importante dans ta vie, dans ta famille. Si tu as commencé à avoir des rapports sexuels étant encore sous le toit de ton père, ça veut dire que tu as été sacrifié à chercher l'argent pour ta famille. Je m'adresse aux femmes. Tu as connu les hommes et tu n'es pas marié avec ce premier homme. Il y a aussi des femmes qui ont connu des hommes étant déjà fiancées avec leur mari actuel. Et tu as trompé, pendant que tu étais fiancé, tu trompais ton fiancé. Sache que tu es dans le nœud de cet esprit incurable. Il te faut la délivrance. Je dis bien, il te faut quoi la délivrance? Cela est très important pour toi. Pour toi. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Là, je m'adresse toujours aux femmes. Est-ce que tu as entendu? Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 7. Au chapitre 7. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Lorsque tu constates que ta femme abandonne, pour rien, elle abandonne le foyer. Pour rien. Lorsque tu constates que, aussi, dans ton foyer maintenant, toi monsieur, il y a toujours des occasions qui arrivent pour que vous vous séparez. Ou bien la femme tombe constamment malade. Il y a des alliances qu'elle a dans le corps. Parce que ce démon veut te priver de ta femme. Il y a toujours des choses qui arrivent, une occasion qui passe par elle. Si ce n'est pas la maladie, c'est des choses comme ça. Pour qu'il y ait des femmes parfois qui tombent malades, peuvent faire 2 mois de maladie, 3 mois de maladie. L'homme ne peut. Mais qu'est-ce qu'il va faire lui? Comment il va faire maintenant? Parce que le démon veut que toi tu ailles avec d'autres femmes. Pendant ce temps, il est logé dans le corps de ta femme. Pendant qu'elle est malade, lui, il couche avec ta femme. Mais toi, tu ne peux pas toucher parce que tu as même pitié de ta femme. Tu vas dire, ma femme est malade, je ne peux pas. Ma femme est malade, ma femme est malade. Et parfois, les maladies attaquent toujours les parties intimes. Même si ce n'est pas partie intime. Mais alors, tout le corps, si la dame seulement fait mal, comment elle va faire pour t'accueillir? Comprends que tout ce qui arrive à la femme là, physiquement, c'est la présence de cet esprit qui cuve. Cela est très important. Je peux m'arrêter, il y a d'autres signes, ils sont tellement nombreux. Je peux m'arrêter à ce niveau, parce que notre prochaine émission, ça sera dans les esprits succubes qui touchent les hommes avec tous les signes. Il faudrait suivre madame pour ton mari. Tu vas faire un bon discernement. Avant de prier, parce que l'homme, j'ai parlé aux hommes et aux femmes. Tu dois faire d'abord la détection. Qu'est-ce qui t'arrive toi-même pour que tu sois délivré? Il y a des gens qui ne font que chercher la délivrance, mais ils ne sont pas passés à la détection ou au discernement des esprits. Comment on va te délivrer s'il n'y a pas de discernement, s'il n'y a pas de détection? C'est pourquoi vous devez être là tous les jeudis, tous les vendredis au Temple des Nations. Paris pour votre délivrance. Tous les dimanches, au Temple des Nations, Paris sur votre délivrance, avec l'adresse qui apparaît sur votre écran. Vous pouvez aussi m'appeler, m'exposer votre problème. C'est important. Ou envoyer le message. Pour expliquer, sous peu de temps, on va commencer nos émissions en direct lorsqu'on parviendra à installer nos appareils sur satellite. Parce qu'il nous faut une grosse bande sur Internet, parce que Internet maison ne nous permet pas de faire des émissions en direct. En direct, c'est pourquoi il faut beaucoup d'argent pour avoir tout ça. Si c'était le direct, tu peux m'appeler, tu peux rester 2 heures de temps, tu appelles, tu reçois ton problème, je prie là, en direct, même si tu es aux États-Unis. Tout ça, il faut beaucoup de moyens pour réaliser tout ça. Mais il y a les sorciers qui vous diront que, allez, passez sur les escrocs, prenez votre argent. Mais si je n'avais pas acheté tous ces équipements, toi, tu ne pouvais pas me voir. Ni entendre tout ce que je suis en train de dire. Alors, que Dieu te bénisse, sache que le grand séminaire continue. Le grand séminaire continue, et à la fin de ce mois, le premier vendredi du mois d'octobre, du mois de novembre, pardon, le premier jeudi du mois de novembre, nous avons un grand séminaire qui commence ce jour-là. Un grand séminaire sur la délivrance. Il faudrait se préparer pour venir. Un très grand séminaire. Tous ceux qui sont, mais ceux qui habitent Paris, venez tous les jeudis, tous les vendredis. Mais tous ceux qui habitent les autres zones, d'autres villes ou bien d'autres pays comme la Suisse, la Belgique, là, je vous parlais des gens qui sont venus du Portugal, les gens viennent du Canada, ils viennent de partout. Vous devez aussi vous déplacer. Et cela est très important. Allez toujours sur YouTube, Temple des Nations. Il y a plusieurs vidéos, des centaines de vidéos que vous regardez pour être enseigné. L'homme fort, le péché originel. Tu dois confesser Jésus maintenant en disant, j'accepte Jésus, mon sauveur, je l'accepte, Seigneur Jésus, que ton sang me délivre du péché originel. Et si tu pries comme ça d'une manière sincère, que ton sang me délivre du péché originel, qui est venu d'Adam et Ève, et je reconnais que je suis prisonnier ou prisonnière de ce péché de malédiction que Dieu avait, j'avais hérité ces malédictions, selon la Bible parle de cet héritage, la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Donc, cet héritage qui commence par le péché originel, et toi tu reconnais que tu es né avec ce péché, et c'est ce péché qui permet à Satan d'être ton père. Si tu invoques le sang de Jésus, la Bible dit, quiconque invoquera le sang du Seigneur Jésus sera sauvé. Du péché d'abord. Pour être sauvé, donc il faut reconnaître que ce péché existe. Mais si toi qui regardes cette émission, Tu n'avais jamais reconnu que le péché, tu es né dans le péché originel et dans une malédiction originelle. Je ne parle pas d'hérédité originelle. Depuis Adam, tu n'es pas sauvé jusque-là. Reconnais cela, tu vas voir. Et tu confesses, je reçois Jésus. Seigneur Jésus, délivre-moi du péché originel. Délivre-moi du péché héréditaire. Héréditaire, quand le Saint-Esprit des Saints commence donc à te montrer les péchés de ton père et ta mère. Et tes propres péchés. Mais d'abord le péché héréditaire. Et puis tu commences à nous suivre pour suivre nos enseignements. Parce que là, tu deviens mon fils spirituel. Directement. Tu commences à suivre les enseignements. Et après, dès que je finis de dénoncer les esprits incurables, et la prochaine vidéo, ça sera ce qui dans les esprits qui tuent les hommes, le lien de mariage spirituel avec les hommes, toutes les femmes doivent suivre pour discerner cela sur les maris, et tous les maris, tout homme célibataire ou bien non célibataire, doit suivre parce que tu vas te marier demain. Alors que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre.